Cette émission est présentée en rediffusion. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez La dernière porte à gauche. Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La dernière porte à gauche aujourd'hui à l'émission dans la prochaine heure finalement qui va être composée comme d'habitude entièrement de musique francophone. Il va y avoir des trucs intéressants cette semaine, il va y avoir quelques nouveautés. Il va y avoir entre autres une pièce du nouvel album de Omnichrome qu'on a reçu cette semaine à la station. On a reçu aussi le nouvel album de Trois gars sous sofa, Cerf-volant, qui est disponible depuis le 28 avril dernier. J'en ai quand même fait jouer à quelques reprises. En fait, dans les dernières semaines, j'ai fait souvent jouer la pièce Ours et Ciel, parce que c'est le premier extrait officiel, je crois, de l'album qui était disponible sur Internet depuis déjà quelques semaines. Mais là, j'ai l'album au complet, donc on va pouvoir écouter une nouvelle pièce de Trois gars sur le sofa. Est-ce qu'on dit sur le sofa? Vraiment pas, hein? C'est même écrit très clairement sur le sofa. Pourquoi j'ai dit sur le sofa? Quelle offense. Qu'est-ce qu'il va y avoir aussi dans les nouveautés? Il va y avoir une nouvelle pièce de Plaza Music, un groupe qui est pas si connu que ça, qui a pas levé énormément, mais moi je l'aime beaucoup. Et puis ils sortent un nouvel album, un nouveau EP. En fait, il est sorti cette semaine, le 12 mai dernier. Le EP s'appelle Accent et on va en écouter un extrait dans l'émission. Mais pour commencer, on va aller écouter Malajube qui vont être de passage à Trois-Rivières. On les a pas eu en spectacle solo dans leur tournée pour le nouvel album. Mais la tournée est pas finie. Je pense que ça va durer encore longtemps. Présentement, ils sont en Europe, sont dans le coin de la Scandinavie, là, plusieurs pays, là, Finlande, Suède, dans ce coin-là. C'est là qu'ils sont en spectacle présentement, mais cet été, ils vont revenir au Québec pour plusieurs spectacles, dont entre autres à Trois-Rivières dans le cadre du Festivois. C'est le 3 juillet prochain, vendredi le 3 juillet. Le même soir, il va y avoir Vulgaire Machin. Il va avoir aussi Pépé et son orchestre. Ça va être pas mal la soirée la plus intéressante, je pense, pour nous, auditeurs de C'est fou, dans le Festivois. Mais ça, c'est vraiment seulement parmi les voix populaires parce que la programmation du Festivois n'est pas encore toute dévoilée. Et il y a toujours une partie un peu plus alternative, un peu plus marginale du Festivois qui est quand même toujours très, très intéressante. Et celle-là n'est pas dévoilée encore, donc ça sera à suivre pour les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on va aller écouter la pièce « Dragon de glace ». C'est ça, Dragon de glace. Tiens. De Malajube à l'émission La dernière porte à gauche sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Souffle.

Ils attendaient tout et rien n'est venu. La pluie, le vent, la neige a fondu. Ne partez jamais sans lui dire je t'aime. Ne fuyez jamais devant les problèmes. C'est que les ouragans, les orages ont vu passer trop de temps. Je n'en dirai pas davantage. Maintenant, il est trop tard. Recommencer, qui recommence toujours. Il faudrait que j'enlève la lecture en répétition. La pièce recommencée du nouvel album « Mille excuses, Milady » de Jean Leloup. C'est, à mon avis, la meilleure pièce de l'album. Je l'aime beaucoup. C'est une pièce vraiment acoustique, seulement voix, guitare. Et puis, on peut vraiment admirer le doigté de Jean Leloup. Parce que quand même, malgré son esprit qui a l'air plutôt absent la plupart du temps, quand même là, quand vient le temps de jouer de la guitare, là, quand même assez agile, Monsieur Leloup. Juste avant ça, on avait entendu un extrait du nouvel album de Trois gars sur le sofa. Trois gars sur le sofa, vierge, c'est pas sur le sofa. Bon. Donc, leur nouvel album qui s'appelle Cerf-Volant, qui est sorti la semaine dernière, qui est disponible en magasin maintenant. La pièce qu'on a entendue, c'était À l'ombre. Une pièce qui j'ai pas écouté vraiment l'album au complet, mais une pièce qui est quand même un petit peu différente dans les arrangements, je trouve. Sur cette pièce-là, on entendait du slide guitar, les arrangements un petit peu différents, un peu moins naïfs, je trouve, que sur le premier album. C'est sûr, j'ai pas analysé de fond en comble cet album-là encore, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dans les paroles, on reste quand même avec ces espèces de paroles vraiment du quotidien, là, un peu touchantes, un peu comme on est habitué d'en entendre dans les chansons de Trois gars sur le sofa. C'est assez fidèle, je trouve, côté paroles, avec quelques différences côté arrangement musical, mais c'est ça, je l'écouterai comme faux, là. Je vous en reparlerai prochainement. De toute façon, c'est sûr que ça va jouer beaucoup cet album-là, c'est fou, parce qu'il est vraiment très bon et très attendu d'ailleurs. Et les gars de Trois gars sur le sofa vont être à Trois-Rivières le 5 juin prochain. C'est dans le cadre de la tournée de la crise économique, donc une tournée qu'ils font vraiment à peu de frais. C'est au Zénob qu'ils vont passer, donc ça va être plein à craquer, c'est sûr, ça va déborder le Zénob. J'imagine, j'espère que ça va être sur la terrasse à l'arrière, il devrait avoir un petit peu de place, j'espère. Et puis c'est un vendredi soir aussi, donc peut-être que on pourrait les inviter à faire un tour ici, c'est fou. Ça serait le fun, je travaille là-dessus. Maintenant, on va continuer en musique avec une pièce qui était dans les palmarès. C'est une nouvelle entrée cette semaine dans les palmarès. C'est une pièce de Yann Perrault. La pièce s'appelle « Le président danse autrement » et on l'écoute tout de suite à la dernière porte à gauche. C'est si troublant. C'est les épiceries. C'est si troublant. C'est dû à la musique qu'il y a là-dedans. Si les cliniques, c'est si troublant. C'est dû à la musique qu'il y a là-dedans. Le président dans son tremblement, un autre rythme dans le sang. Le président dans son tremblement, tisse sur la toile subtilement. Décidé par millions, je vais m'hypnotiser et me réaliser. elle se rhabille et que c'est en sifflant qu'il ressort. Longtemps que les fusils brillent et que pleurent les familles, c'est qu'il n'y a rien à voir. Longtemps que les fusils brillent et que pleurent les familles, c'est qu'il n'y a rien à voir. Et tout le sang qui maquille le désert au fond des histoires, livré au vent qui oscille entre la tombe et la gloire. Une corneille vole en vrille avec sa fiancée noire. L'étincelle dans leur plume qui brille ravive dans mon cœur espoir. Longtemps que les fusils brillent et que pleurent les familles, c'est qu'il n'y a rien à voir. La pièce La Vrille, extrait du nouvel album de Chinatown, le premier album de Chinatown qui s'appelle Cité d'or. Et j'ai écouté beaucoup l'album quand je me le suis procuré, là, peut-être, deux semaines peut-être. Une semaine, je dirais. Et puis, ouais, j'ai écouté beaucoup en très peu de temps, mais je sais pas, j'ai passé assez vite par-dessus mon trip Chinatown. C'est un album que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience depuis quand même longtemps parce qu'on avait le simple ici qui jouait ici, souvent assez fou. On avait reçu un simple pour la pièce Apprendre à danser. Ça a été dans les palmarès pendant longtemps. Et la pièce Apprendre à danser, je pense, c'est vraiment la meilleure pièce de l'album. C'est celle qui bouge le plus. C'est toujours dans le même style, un peu de Chinatown, indie rock quand même plutôt conventionnel, mais un peu... un peu décontracté en même temps. Un petit peu, je sais pas trop comment le décrire, mais vous avez entendu la pièce La Vrille, là, c'est très très caractéristique du son en général de l'album. Mais Apprendre à danser, je trouve que c'est la pièce qui se démarque un peu, qui a un petit quelque chose qui bouge un peu plus, un peu presque dansant. Et c'est la seule qui a ça, qui a le petit quelque chose de plus sur l'album. Sinon, le reste, ça ressemble vraiment au son de la pièce La Vrille qu'on vient d'entendre, mais un petit peu trop homogène du début à la fin. J'aurais aimé ça qu'il y ait un petit peu plus d'apprendre à danser, là, un petit peu plus de ce son-là qui est un petit peu plus, je sais pas, excitant, émoustillant, je sais pas comment dire, mais bon. Bref, quand même un très bon album si vous aimez le style, mais pas un album à écouter en boucle pendant des heures. Un album qui s'écoute bien une fois, de temps en temps. Quand même un bon album, celui de Chinatown. Juste avant Chinatown, on avait entendu, j'avais hypnotisé, de Alex Champigny, de qui on n'a plus trop de nouvelles. Hein. Ça a pas... Il me semble que ça n'a pas été super fort, le buzz avec Champigny. Moi, je l'ai beaucoup aimé, cet album-là, puis on est plusieurs, je pense, à l'avoir aimé, mais pratiquement pas eu de spectacle d'Alex Champigny. Puis là, il n'y a aucune nouvelle, son site internet n'est pas à jour. On s'inquiète pour Alex, qu'est-ce qui se passe avec lui, on ne sait pas trop. Donc, pas de nouvelles pour Alex Champigny, mais la pièce, je vais m'hypnotiser, est toujours aussi bonne. C'est une très, très bonne pièce. Maintenant, ce qu'on fait là, tout de suite, c'est qu'on s'en va en pause. Mais restez là parce qu'au retour, encore des nouveautés, celles de Plaza Musique et Omnichrome aussi. Restez là. Et vous êtes toujours à l'émission La Dernière Porte à Gauche en compagnie de Kiwan. Il reste encore une demi-heure à l'émission et encore de la très bonne musique à venir. Maintenant, on va aller écouter une nouveauté du groupe Plaza Musique qui ont lancé un EP cette semaine. Cet album-là s'appelle Accent. Et en fait, un peu un drôle de cheminement, en fait, le groupe Plaza Musique, parce que c'est leur deuxième album qu'ils lancent. Mais leur premier, c'était vraiment un album complet qui était très bien enregistré, très bien ficelé, une bonne réalisation. Il y avait une dizaine de pièces sur cet album-là. Mais c'est un groupe qui n'était pas très connu. Je sais pas comment. Je pense que l'album devait être une autoproduction, autofinancée. Et puis ça s'est pas fait voir tant que ça. Cet album-là qui s'appelait L'amour et l'Occident, mais qui est vraiment un très très bon album. Même ici, assez fou là. À part dans mes émissions, je crois que ça a pas vraiment joué. Pas eu un énorme succès, mais c'est bizarre parce que. Normalement, quand un nouveau groupe naît, commence avec un petit EP, quelques pièces, se font connaître, après ça, font des spectacles, réussissent à financer une meilleure production pour un autre album plus long. Eux, on dirait qu'ils font un peu le contraire. Le premier album a été un album complet. Là, on revient avec un EP. Mais aussi, c'est vraiment le EP est vraiment la tendance, étant donné que les groupes veulent quand même avoir une bonne qualité, mais ça coûte cher enregistrer et réaliser avec une bonne qualité, là, beaucoup de pièces. Donc, on se contente souvent d'un EP pour juste faire valoir notre matériel, montrer qu'est-ce qu'on a à jouer, qu'est-ce qu'on a à offrir. Donc, c'est pas si surprenant que ça là, que Plaza Musique arrive avec un EP. C'est ça, cet album-là s'appelle Accent. Il y a 4 pièces dessus, dont entre autres la pièce Magazine qui était déjà disponible sur Internet, sur leur MySpace, sur iTunes depuis déjà plusieurs mois. Je l'ai fait jouer la pièce Magazine, je pense, une ou deux fois ici à l'émission. Donc, on n'écoutera pas cette pièce-là. On va plutôt écouter la pièce Fleur de pluie, qui est l'autre pièce francophone, parce que Plaza Musique chante à peu près 50-50, là, je dirais, français-anglais. Donc, sur cet album-là, c'est vraiment, réellement, littéralement 50-50. C'est deux pièces en anglais, deux pièces en français. Donc, on va écouter l'autre francophone. Ça s'appelle Fleur de pluie de l'album Accent de Plaza Musique. On écoute ça tout de suite à La Dernière Porte à Gauche. Thank you. ce qui nous a fait trembler, à plonger nos corps en jachère, comme d'anciens amants séparés par une éternelle nuit d'hiver. C'est ce qui nous aura fait dire non, non, je n'ai jamais voulu ça, mais nous a pourtant vu vieillir en faisant de nous des absents. Ce sont les détails qu'on ne cache plus, des vitrines en guise de miroir, piquées par un nouveau salut qui sonne comme un au revoir. Comme on respire, tout accepter, même le feu, et rester de glace sans frémir. C'est un fleuve, on y coulerait. De jours heureux, elle a choisi d'être une veuve qui noie les plus fougueux. Si Sainte-Catherine était un fleuve, on y voguerait au gré du temps. Elle a choisi d'être la preuve que les trottoirs sont des sables mouvants. Catherine était un fleuve, on y coulerait de jours heureux. Elle a choisi d'être une veuve qui noie les plus fougueux. Si Sainte-Catherine était un fleuve, on y voguerait au gré du temps. Bonjour Rumer avec la pièce Sainte-Catherine qu'on vient d'entendre. Bonjour Rumer qui sont du côté de l'Europe présentement en tournée en Suisse et en France. C'est la deuxième été qui vont faire une tournée là-bas, donc j'imagine que ça va plutôt bien. Toujours avec le même album, De la nature des foules, et puis rien de nouveau à l'horizon encore parce que leur agenda est vraiment très très occupé encore, donc je pense pas qu'il y ait le temps vraiment de préparer un nouvel album, donc on s'attendra pas trop à quelque chose de nouveau très bientôt pour Bonjour Brumaire. Juste avant ça, ce qu'on avait entendu, c'était Bon Plaza Musique avec la pièce Fleur de pluie, extrait de leur nouvel album Accent. Maintenant, on va écouter une pièce du nouvel album d'Omnichrome qu'on a reçu cette semaine. C'est arrivé, ça a passé au poste d'écoute aujourd'hui. Et j'en parlais dans le palmarès avec Mathieu Plante cette semaine, et on se demandait si la mode allait perdurer, la mode Omnichrome, parce que l'été passé, le grand public a vraiment beaucoup embarqué dans ce courant-là qui date quand même de plusieurs années, là. TTC, ça existe depuis longtemps, puis Omnichrome aussi quand même, là, c'est pas nouveau de l'été dernier, là, le projet Omnichrome. Et puis là, il y a quand même d'autres groupes qui ont embarqué dans la danse, entre autres Obscene Kids, un album qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps ici. Aussi Chambre 22, un groupe que j'aime beaucoup personnellement. Donc là, cet été, un nouvel album de Omnichrome, nouvel album de Numéro aussi, un peu dans le même style. Donc c'est vraiment cet été qu'on va voir si le grand public va continuer à suivre et à aimer ces groupes-là. Je pense que du côté de la scène alternative, ou en tout cas la scène universitaire là, qui a toujours un peu suivi, qui a toujours embarqué, en fait, qui a toujours supporté ces groupes-là, je pense que ça devrait continuer comme ça. En tout cas, moi, j'ai goût de faire passer la pièce comme à la télévision. C'est la nouvelle entrée dans le palmarès francophone cette semaine. Et puis, je l'ai bien aimé. J'aimais ça, moi, cette nouvelle pièce d'Omnichrome. Donc, on va l'écouter tout de suite et ça va être suivi d'une pièce que j'aime beaucoup de Chambre 22 qui s'appelle « Touche-toi ». Vous l'avez peut-être déjà entendu. Sinon, vous allez entendre dans environ 3 minutes, tout de suite après Omnichrome. J'ai mon chapeau et mon fouet, Indiana Jones, jamais pas. C'est face aux héros si ça te plaît, mais tu devras m'arracher le cœur. Patrouilleur de l'espace, mon odyssée n'est pas un échiré. Pour déchiffrer le monolithe, à cheval sur le thème de ma voix, pose-moi. Il n'était une fois la vie, globe plus blanc, prépare-toi. Au Congo ou sur la lune, j'ai mes deux spires à mes côtés. Sous des récits musicaux, aucune sirène ne peut m'arrêter. Vieux psychopathe, suce mes traces dans la neige. Oui, elle s'arrête, quelle accrochage. Je m'évapore dans mes rêves, cauchemars. Mes potes veulent m'assassiner, mais je continue. C'était juste un lait dans un chandail rayé. Les zombies vont tous dans le même sens. Rendus par des singes. C'est juste que ma tombe ne sert pas à qu'est-ce que tu penses. Bébite en dessous de la table comme un dreamer. J'attaque le ciel comme un crush. La télévision fait caca. Attention, je suis un goonies. Désolé, c'est la revanche des nerds. Rencontrons la télé comme Wayne's World. UHF style. On frappe des Ferraris comme c'est pas si grave. On a une congé, j'pars en vacances avec Bernie. Lumière politique, se sent sur les mêmes visages à moitié peints. On fait pas ça pour rien, pour la famille dont j'suis le parrain. Me suis toujours en ville, OCP peut rien empêcher. Couteau des dents, mitraillette, j'me vaut prêt à dégainer. Touche-toi, touche-toi, touche-toi, touche-toi, touche-toi.

Ce numéro qu'on vient d'entendre avec la pièce Tonton Klaxon, c'était la position numéro 8 du palmarès francophone cette semaine. Et juste avant ça, on avait entendu Chambre 22. Donc, cherchez pas trop l'originalité dans Chambre 22, surtout pas quand c'est joué juste avant, juste à côté d'une pièce de numéro. Là, les deux groupes se ressemblent quand même beaucoup. Mais la pièce Touche-toi va toujours rester quand même un point fort pour le groupe Chambre 22. Numéro m'a pas offert encore une pièce qui m'a autant donné le goût de me toucher que la pièce Touche-toi de Chambre 22. Donc, pour ça, je vais toujours avoir une place dans mon cœur pour Chambre 22. L'émission est presque déjà terminée. On va écouter, pour finir l'heure, une pièce de Les Incendiaires, la pièce La menace digitale, qui a déjà joué quelques fois ici. C'est un simple qu'on a reçu et puis je l'aime beaucoup. Donc, on va terminer l'heure avec ça. Donc, si vous écoutez en direct les vendredis soirs, c'est Les Lutins de l'Enfer qui s'en viennent. Et aussi, si vous écoutez les vendredis soirs et que ça vous tente d'aller voir un petit spectacle sympathique ce soir, du bon rock, je dirais garage un peu, les gars de Martin Priorité qui étaient ici un petit peu plus tôt en studio sont en spectacle. Le groupe Martin Priorité est en spectacle avec l'Orchestrol Parade du côté du Rock Café Le Stage au Câble Madeleine. C'est présentement, c'est très très bientôt, donc vous avez le temps de vous y rendre si vous êtes motivé, je dirais. Donc on se laisse avec La menace digitale de Les Incendiaires et je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 17h pour les palmarès et 20h pour la dernière porte à gauche. Bye bye.